Nouvelle version, ma belle et jolie. Je suis fort, je suis traité de fort, Johnny Nicolo. La France tranquille, partout, partout, partout, elle est gens. Ouais, je vous aime, aimez-moi, c'est ça la vie. Ouais. Ma chérie, faut pas pleurer. Et tu dis que la mésasse, tes amis, tes barres, chez les attaques, c'est ça. Ma chérie, faut pas pleurer. Et venez maintenant, les garçons, la vie, ça sent comme ça. Tes amis, tes barres, tu disais ça parce qu'ils sont jaloux. Maman Maïe Internet, maman Tine Spencer, toujours Nicolas.